VT on the track. Je regarde le ciel, la lune me reflète. Je brille au milieu de la pénombre, les étoiles filent et me guettent. J'enfile ma paire, j'esquive la merde. Je vis au milieu de leurs démons, mes espoirs persistent et me gagnent. Je remplis la caisse pendant qu'ils me jugent. Si j'avais compté sur la vie des autres, j'aurais plus qu'à me buter. Gentil des showcase, escroc vient me duper. Si je voulais compter que sur la thune, j'aurais plus qu'à mourir du peur. Ya ya ya, oulala. Poto, oulala. Posé sans cacher les 100 pages, j'ai plus tout mon time. Non, non, oulala. Poto, oulala. J'ai pas sans cache, fais quoi sans toi, j'ai plus tout mon time. Non, non. Les miens vont le pif. Les miens vont le pif. Les miens vont le pif. J'ai plus tout mon time. Non, non. Les miens vont le pif. Les miens vont le pif. Les miens vont le pif. J'estime tous les miens. Les autres sont les mêmes. Déçu par beaucoup d'injustices, d'égocentrisme et de haine. Je mérite tout le bien, je leur souhaite la même. Beaucoup se vendent à l'industrie, les romantiques n'ont plus d'elle. Pour toi je suis prête à tout, pour moi c'est moins important. Je pourrais tracer ma route, je veux pas me sentir imposante. J'ai voulu pour mes proches et mon public m'a porté. Si j'ai rempli mes poches, c'est pour garder la santé. Ya ya ya, oulala. Poto, oulala. Posé sans cacher les 100 pages, j'ai plus tout mon time. Non, non, oulala. Poto, oulala. J'ai pas sans cache, fais quoi sans toi, j'ai plus tout mon time. Non, non. Les miens vont le pif. Les miens vont le pif. Les miens vont le pif. J'ai plus tout mon time. Non, non. Les miens vont le pif. Les miens vont le pif. Les miens vont le pif. J'ai plus tout mon time. Laisse-les croire que j'ai un souci. J'suis fucked up, j'suis la rookie. J'me sens so fresh dans mon hoodie, hoodie, hoodie, hoodie, yeah. Laisse-les croire que j'ai un souci. J'suis fucked up, j'suis la rookie. J'me sens so fresh dans mon hoodie, hoodie, hoodie, hoodie, yeah. Oulala, poto, oulala. Posé sans cacher les 100 pages, j'ai plus tout mon time. Non, non, oulala, poto, oulala. J'ai pas sans cache, fais quoi sans toi, j'ai plus tout mon time. Non, non, laisse-les croire que j'ai un souci. Je suis fucked up, je suis la rookie. Je me sens